Chapitre 9. Marais Poitevin. Avril, 28 juin 2003. En avril, Ginny eut un second stage avec l'équipe d'Angleterre dont elle revint ravie. Elle avait désormais l'assurance de représenter son pays à la Coupe du Monde. Olivier Dubois aussi était confirmé, de même que Gwenoch Jones pour le pays de Galles. Sur les conseils de son entraîneuse, Ginny prit une semaine de repos. Si on pouvait appeler ainsi se limiter à seulement 3 heures de préparation physique par jour. Plusieurs fois, au cours des mois écoulés, Harry s'était dit qu'il détesterait le Quidditch tant ce sport empiétait sur sa vie de couple s'il n'éprouvait pas lui-même autant de plaisir à y jouer. Il faisait toujours partie de l'équipe des Aurores, laquelle avait été remaniée cette année-là. Pour commencer, Angelina avait surpris tout le monde en refusant de reprendre son poste de poursuiveuse. Elle ne s'en était pas expliquée, indiquant simplement qu'elle n'en avait plus envie. Seul Harry savait que c'était parce qu'elle désirait débuter une grossesse et qu'elle estimait ce sport dangereux pour son projet familial. Il n'avait pas été difficile de lui trouver une remplaçante. Au mois de septembre précédent, Demelza Robbins avait franchi d'un pas décidé la porte du quartier général des Aurores. Ainsi que Harry l'avait espéré quand il était allé faire sa séance de recrutement à Poudlard, elle avait posé sa candidature et avait été admise dans le prestigieux corps des adversaires de la magie noire. Elle était enthousiaste, appliquée, et celui qui supervisait sa formation avait l'air satisfait d'elle. Elle était rentrée dans leur équipe de Quidditch avec plaisir, ravie de rejouer avec Harry. Il avait lui aussi pris de court ses coéquipiers en déclinant le poste d'attrapeur au profit d'Owen. L'idée lui en était venue l'été précédent au Terrier. Le Quidditch était une occupation dominicale très appréciée par une bonne partie de la famille. Les frères Weasley aimaient s'y adonner, ainsi que Arthur, quand on insistait un peu. En dehors de ses périodes de grossesse, Fleur se défendait plutôt bien comme batteuse. Ginny, qui était devenue trop forte pour leur niveau amateur, avait choisi le poste de gardien, car c'était celui où elle était le moins à l'aise. George jouait poursuiveur, ayant refusé de retoucher à une batte depuis que son frère n'était plus là pour lui servir de partenaire. En fonction du nombre de participants, ils étaient obligés de réduire les équipes et d'assurer les rôles dont ils n'avaient pas l'habitude, ce qui abaissait le niveau technique, mais garantissait de fréquents fous rires. À l'origine, Harry s'était naturellement proposé comme attrapeur, mais Ginny lui avait suggéré de s'entraîner comme poursuiveur pour varier un peu. Il avait eu beaucoup de mal au début. Sa précision en tir laissait à désirer. Puis, il avait apprécié de jouer durant tout le match, et non seulement quand le vif daignait apparaître. Avec le temps, il avait peu à peu réussi à occuper correctement ce nouveau poste. Il lui avait donc paru naturel de continuer sur sa lancée dans l'équipe des Aurores. Il savait en outre qu'Owen était ravi de retrouver la place qu'il avait à Poudlard chez les Serpentards. Leur début de saison n'avait pas été mauvais, même s'il était peu probable qu'ils obtiennent la coupe du ministère. Harry appréciait d'être un poursuiveur seulement correct après avoir été un attrapeur hors pair. Cela lui donnait un défi à relever. Début mai, des matchs amicaux internationaux firent voyager Ginny. Elle partit très excitée pour le sud de la France où se déroulaient ses rencontres. On fit la fête au Terrier quand l'équipe de Ginny revint après avoir pratiquement tout gagné. Ginny put se libérer pour déjeuner avec tout le monde. Angelina et George en profitèrent pour annoncer une grande nouvelle. Ils attendaient un bébé pour l'hiver suivant. De son côté, Fleur, dans son 8e mois de grossesse, promenait un joli ventre bien rond. « Mes parents ont des places pour la demi-finale, » apprit-elle à Ginny. « Ils comptent bien t'y voir. » « Et Charlie et moi, nous serons là pour la finale dans les marais Poitevin, » lui rappela Bill. « Poitevin, » corrigea Fleur. « C'est pareil, on veut cette coupe, hein ? Vive l'Angleterre !»« Bill, tu ne vas pas partir en France alors que ton bébé aura à peine un mois, » protesta Molly. « Ce n'est pas grave, » assura Fleur. « Je ne vais pas l'empêcher d'y aller parce que je ne peux pas le faire. Il gardera les enfants à la prochaine Coupe du Monde. Si nos pays se rencontrent dès la demi-finale, vous serez ensemble pour la suivre à la radio, remarqua Arthur. Je vais peut-être vous l'envoyer, priva Fleur. Il hurle tellement en écoutant les matchs que cela risque de faire peur au bébé. Quand la France a joué la semaine dernière, ce n'est pas moi qui ai chanté la Marseillaise pendant 2 heures. Je pourrais prendre Vic et le bébé chez moi pour vous laisser vous égosiller ensemble tout votre sou, si vous voulez, proposa obligeamment Andromeda, faisant rire la famille et rougir les intéressés. Le pays de Galles se débrouille bien aussi, dit Harry, quand les rires se furent calmés, en rappelant la victoire de cette équipe contre l'Ouganda la semaine précédente. C'est vrai, j'ai écrit à Gwenaëlle pour la féliciter, les informa Ginny. Nous sommes contentes de ne pas avoir été réparties dans la même poule. J'espère que nous ne nous rencontrerons qu'en finale. Tant qu'elle n'est pas contre toi, elle peut compter sur notre soutien, assura Charlie. Au fait, tu ne pourrais pas me la présenter un jour, la super batteuse ? Je me méfierai à ta place, sourit Harry. Elle a transformé son dernier soupirant en cloporte. Je croyais que tu ne lisais pas les journaux à scandale, le taquina Ron. C'est elle qui me l'a dit. Elle aime beaucoup Harry, précisa Ginny. Si un jour il rentre à la maison sous la forme d'un cafard, tu sauras pourquoi, plaisanta George. Et toi, Harry, tu n'as pas pris de place pour aller voir les matchs ? S'étonna Ron. Si on arrive en demi-finale, j'essaierai d'en obtenir pour lui, assura Ginny. Ginny repartit pour la France et toute la famille suivit avec passion le déroulement des matchs de qualification. Harry se retrouva avec une nouvelle occupation qui meubla certaines de ses soirées. Le lendemain du départ de sa fiancée, Demelza Robbins va le trouver. « Excuse-moi Harry, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, » accepta celui-ci, pensant qu'elle n'avait pas compris une explication de son formateur. « On nous a dit que tu avais entraîné les élèves de Poudlard pour se battre contre tu sais qui. Alors, comme notre examen de passage en seconde année est dans 3 mois, mes camarades et moi, on aimerait bien que tu nous aides un peu pour l'épreuve de duel. » Harry balaya des yeux la pièce et vit que les plus récents aspirants Aurore les observaient, bien qu'étant sagement restés à leur bureau. Il reporta le regard vers Demelza, qui tenta crânement de paraître détendue. Elle était juste trahie par sa main gauche qui tortillait nerveusement le tissu de sa robe. « Vous n'avez pas des entraînements ?» s'enquit Harry. « Une fois par semaine, ce n'est pas assez. Et puis ce n'est jamais la même personne et il n'y a pas de suivi. » Harry se souvint de sa propre expérience. C'étaient les Aurores qui n'étaient pas occupées ailleurs qui assuraient les cours hebdomadaires. C'était donc davantage l'emploi du temps de la brigade qui décidait du roulement des formateurs qu'un véritable programme pédagogique. « Vous voudriez combien de cours supplémentaires ? » demanda-t-il prudemment. « Au moins 2 à 3 fois par semaine. » osa Demelza. « Mais je ne peux pas être là aussi souvent, entre mes missions et mes gardes. »« Tu as fait beaucoup de gardes les mois derniers, » contra-t-elle. « Je croyais que c'était chacun son tour. » Elle avait manifestement pensé à toutes les objections qu'il pouvait lui opposer. « Si c'est après 19 heures, cela ne devrait pas interférer avec notre travail, » intervint Pritchard de son bureau. « Tu ne veux pas les donner, ces cours, toi ?» demanda Harry, un peu agacé par son ingérence. « Ma femme m'attend à la maison, » répliqua Pritchard d'une voix neutre. Harry vit les lèvres de la jeune aspirante se serrer comme pour réprimer un sourire, et il rendit les armes. « D'accord, j'ai compris. Cela m'occupera pendant que ma fiancée défend l'honneur de notre pays de l'autre côté de la Manche. C'est bon, Demelza. Je vous entraîne 2 fois par semaine, en plus de votre cours normal. Mardi et jeudi, ça te va ? C'est parfait, Harry. Merci, merci. » Elle fila comme si elle ne voulait pas lui donner l'occasion de changer d'avis et fut bientôt entourée des 2 aspirants de sa promotion. Harry les vit conférer, féliciter leur ambassadrice et se tourner vers lui le sourire aux lèvres. « C'est quoi ton intérêt dans l'histoire ?» s'enquit Harry. « Ça t'entraînera toi aussi. On ne sait jamais si un autre mage noir décidait d'asservir l'Angleterre. Ça peut servir. » Il se replongea dans ses papiers, refusant manifestement d'en dire davantage. Harry se repencha à son tour sur son travail, tout en se demandant par quoi il ferait commencer ses élèves. Le premier cours s'avéra plus plaisant qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait que 3 aspirants à former, et s'il manquait de pratique, ils étaient pleins d'enthousiasme. Ils avaient en outre 4 ans de moins que lui, et il trouva plus facile de leur donner des directives qu'à ses camarades de promotion. Et puis, cela occupait ses soirées. Trois semaines plus tard, l'Angleterre et le pays de Galles se qualifièrent pour les quarts de finale, 2 jours avant que la France y parvienne à son tour. Fleur donna le même jour naissance à une petite fille qu'elle nomma Dominique. Victoire était déjà prise. Ce fut un jour de fête au terrier. 4 jours après, Harry fut convié à rejoindre son commandant dans son bureau. À la porte, il rencontra Janice. « Une nouvelle mission pour nous deux ? » demanda-t-il. « Si c'est ce que je crois, tu devrais aimer, » sourit-elle. Il n'eut pas le temps de la prier de s'expliquer, car elle entra dans la pièce et Fawcett les invita à s'asseoir. « Comme vous le savez sans doute déjà, » commença le commandant, « le ministre de la Magie va se déplacer en France pour voir les matchs que l'Angleterre et le pays de Galles vont jouer le week-end prochain. Il m'a demandé de lui proposer 2 gardes du corps. « Oh !» fit Harry comprenant enfin. « J'ai pensé que ça te plairait, » le taquina Fawcett. « Je ne suis sûrement pas le seul à être intéressé, » opposa Harry. « J'ai choisi mes 2 meilleurs duellistes, » expliqua le commandant. « Vous partez après-demain. Vous êtes attendu au cabinet du ministre pour recevoir votre feuille de route et les recommandations d'usage. » Les 2 aurores obtempérèrent et sortirent du quartier général pour se rendre dans les bureaux de Shacklebolt. « Alors ?» « Content de revoir ta fiancée plus tôt que prévu ?» s'enquit Janice. « Je ne sais pas si on aura l'occasion de se croiser, » remarqua Harry. « Tu crois qu'on assistera au match ?»« Aucune idée. C'est la première fois qu'on me désigne pour ce genre de mission. »« Tu n'as jamais été garde du corps ?» s'étonna Harry. Scrimgeour estimait qu'il pouvait se défendre tout seul et qu'on avait assez de boulot sans perdre du temps à le suivre à la trace. Quant à Fudge, il préférait ceux qui présentaient bien. Harry jeta un regard à sa compagne, femme et bandeau sur l'œil. Sans doute pas assez prestigieux pour l'ancien ministre. « Il ne m'aurait pas choisi non plus, » supposa-t-il. « S'exposer à côté de quelqu'un qui aurait pu lui faire de l'ombre ? Peu probable, effectivement, » abonda Janice. « Remarque, » songea Harry, « s'il était toujours à son poste, moi, je ne serais pas Aurore. Ombrage m'avait prévenu que je ne passerais pas les tests de personnalité. » car j'étais trop déséquilibrée à son goût. « Cette femme me faisait le même effet que les détraqueurs, » commenta Janice. « J'avais le patronus qui me démangeait à chaque fois que je la voyais. » Harry se dit que le résultat de leur confrontation aurait pu être intéressant. Tout en conversant, ils avaient pris les ascenseurs et étaient parvenus à destination. Ils furent reçus par la secrétaire du ministre. « Bonjour !» « Je m'appelle Mandy Brocklehurst, » se présenta-t-elle. « Janice Davenport ?»« C'est bien moi, » confirma la collègue de Harry. La jeune femme regarda Harry avec hésitation, ne sachant pas comment l'aborder. Elle habitait juste à côté de chez Ron et Hermione, et ils s'y croisaient de temps en temps. Il décida qu'il n'avait aucune raison de cacher qu'ils se connaissaient. « Bonjour Mandy, » dit-il en lui serrant la main. « Bonjour Harry, installez-vous s'il vous plaît. » Nous avons des formalités à effectuer. » Mandy était une secrétaire bien moins compassée que ne l'avait été Percy. C'est en souriant et plaisantant qu'elle leur donna une série de parchemins à signer. « Les Français vont vous délivrer des badges pour vous permettre de circuler dans le village sportif, » expliqua-t-elle. « Vous aurez aussi accès aux lieux réservés aux personnalités invitées. Voilà un petit manuel qui décrit l'étiquette pour chacune des situations auxquelles vous serez confrontés. L'un de vous parle-t-il français ? Je comprends quelques mots usuels, indiqua Janice, tandis que Harry secouait négativement la tête. Il y aura une interprète officielle qui voyagera avec le groupe. Elle s'appelle Hélène Turpin. Elle est de la famille de Lisa ? Demande à Harry, se souvenant que celle-ci avait été dans la classe de Mandy. C'est sa mère, confirma-t-elle. Qui d'autre viendra avec nous ? S'enquit Janice. Nous aurons le ministre et la chef du département des sports, Jocelynde Watcock, accompagnée de son secrétaire, Rudolf Gamp. Vous n'êtes pas du voyage ? Demanda Janice. Non, je reste sur place pour traiter les affaires courantes et envoyer des rapports quotidiens au ministre. Elle ne paraissait pas déçue de ne pas venir avec eux. Sans doute que l'idée d'être seule aux commandes ne lui déplaisait pas. Elle était peut-être moins abrupte que le frère de Ginny, mais elle était tout aussi ambitieuse. Harry se dit que son poste devait être assez passionnant. « Le programme de la délégation est-il arrêté ?» demanda Janice. « Oui, en voici une copie. Discours et visites diverses le premier jour. Match Angleterre-Mali le lendemain. Rencontre Pays de Galles contre l'Ade le jour suivant. Plusieurs rendez-vous à Paris durant la semaine, puis demi-finale le samedi ou le dimanche en fonction de nos qualifications. Vous rentrez ensuite en Angleterre et repartirez le week-end suivant pour la finale s'il y a lieu. « Quel sera exactement notre rôle ?» demanda Harry. « Surtout de la décoration, » convint Mandy. « Le pays qui reçoit est traditionnellement chargé de la sécurité. Les ministres ont toujours des gardes du corps en uniforme, mais c'est davantage une question de statut que de protection. » Harry rentra chez lui avec son exemplaire de l'étiquette française. Avant de l'ouvrir, il composa un bref message à l'attention de Ginny et demanda à Miffy, sa petite elfe, d'aller le porter à la poste de Préaulard pour l'envoyer par mouette long courrier. Il joignit ensuite Ron et Hermione par cheminée pour les informer de son prochain voyage. « C'est super !» s'écria Ron. « Ginny va être ravie !»« J'espère, je viens de lui écrire. »« Tu l'as dit à ma mère ?»« Je l'appelle tout de suite, » assura Harry. 2 heures plus tard, il avait parlé à toute la famille et affirmé à Flore qu'on lui avait fourni toutes les indications nécessaires pour la réussite de son périple, mais n'avait pas beaucoup avancé dans sa connaissance des coutumes françaises. Il finit par dire à ses elfes qu'il ne prenait plus d'appel et il alla s'installer dans la bibliothèque avec le document que Mandy lui avait remis. Toute la délégation se retrouva dans le bureau de Shacklebolt un quart d'heure avant le départ du Port-au-Loin. Conformément aux directives qu'ils avaient reçues, Janice et Harry avaient revêtu leur uniforme de parade et agrafé leur ordre de Merlin. Le moment venu, le ministre et les 5 personnes qui l'accompagnaient saisirent le parchemin orné d'un sceau qui était à la fois leur invitation et leur moyen de transport. Après les sensations habituelles, ils se retrouvèrent sur un ponton entouré d'eau. L'air était chargé d'humidité et des trilles d'oiseaux sonnaient comme un concert de bienvenue. Autour d'eux, un village composé de tentes multicolores reposait sur des plateformes sur pilotis reliées par des passerelles en bois. Un homme, portant une barbichette bien taillée, les accueillit d'une phrase en français. Il nous souhaite la bienvenue et nous prie de le suivre jusqu'à nos quartiers. Traduisit Hélène Turpin. Nous aurons un quart d'heure pour nous installer avant d'être reçus par le chef du département des sports français. Remerciez-le pour nous, lui demanda Shacklebolt. Le personnage les conduisit par le réseau de passerelles vers un chapiteau carré de taille moyenne. Ils virent que d'autres groupes y étaient aussi menés. Une fois la porte franchie, il y avait un espace dégagé d'où partaient 7 corridors en étoiles. L'arche de l'un d'entre eux était surmontée de l'Union Jack. Leur guide confirma que leur quartier s'y trouvait. Docilement, les Britanniques se dirigèrent vers l'endroit qui leur était assigné. Des étiquettes indiquant les noms du ministre et de son chef de département leur attribuaient chacun une chambre. Le secrétaire et la traductrice en partageaient une autre. La dernière portait la mention « Aurore ». Harry et Janice, « posez vos affaires et inspectez s'il n'y a pas de sort d'écoute dans les chambres. Je me charge de la mienne. »« Bien, monsieur le ministre, » répondit cérémonieusement Janice, bien qu'elle l'appelât par son prénom quand ils étaient en privé. La pièce qui leur avait été attribuée mesurait moins de 5 mètres carrés et n'était meublé que d'un lit superposé et de 2 chaises. Il y avait une porte menant sans doute à une salle d'eau. « Ce n'est pas le grand luxe, » commenta Janice. « J'espère que cela ne te dérange pas de dormir dans ce placard avec moi. » « J'ai l'habitude des placards, » la rassura sobrement Harry. Ignorant le regard interrogateur de sa colocataire, Harry observa leur quartier. Il nota que les lits semblaient neufs, les matelas confortables et que des rideaux autour de chacune des couches leur permettraient de se ménager un peu d'intimité. « Ce n'est pas si mal, » jugea-t-il. « Je m'installe en haut, » décrita sa collègue. Elle lança son baluchon sur sa couchette et ordonna. « Tu vérifies notre chambre et celle de Gump et Turpin. Je me charge de l'autre. » Harry obtempéra. Vu la taille de la pièce et celle de la salle de bain, ce fut vite exécuté. Il alla ensuite frapper à la porte du secrétaire et de l'interprète. La chambre était nettement plus spacieuse que la sienne. Il y avait deux lits à une place dans des niches dissimulées derrière des rideaux. Il supposa que les deux autres étaient encore plus grandes. Janice était dans le couloir quand il ressortit. « Ça a l'air correct, » commenta-t-elle. « Il nous reste 5 minutes. On fait un petit tour ?» Ils retournèrent vers l'entrée de la tente. Deux gardes du corps coiffés de turbans gardaient désormais le corridor surmonté du drapeau indien. Ils leur adressèrent un signe de tête puis sortirent. Ils examinèrent les autres chapiteaux de formes et couleurs diverses qui se dressaient aux alentours, séparés d'eux par des nénuphars en fleurs. Ils eurent juste le temps de faire le tour du pavillon qui abritait leur chambre. Il y avait à peine la place de passer entre la toile et le bord de leur ponton, avant que l'on ne revienne les chercher. L'envoyé français était une femme qui portait une robe plus décolletée que ce que les sorcières anglaises se permettaient quand elles n'étaient pas en robe de soirée. Avec un charmant sourire, elle convia tout le monde à la suivre en plusieurs langues. Ils furent pilotés vers une tente circulaire rouge vif, plus grande que la leur. Le chef du département des sports français et son épouse les attendaient et ils accueillirent leurs invités d'un mot aimable, relayé par les traducteurs. On leur remit des laissez-passer, puis leur délégation fut introduite dans un salon où se trouvait un buffet somptueux. Janice et Harry, se pliant à l'emploi du temps qui leur avait été transmis à Londres, abandonnèrent leurs compatriotes pour se rendre à une conférence prévue pour les gardes du corps. Des écriteaux, qui clignotaient alternativement en plusieurs langues, indiquaient les directions et leur permirent de parvenir sans encombre dans une tente blanche à l'aspect modeste. « À première vue, c'est bien mieux organisé que la coupe qui s'est déroulée chez nous, » observa Janice. Des horreurs de plusieurs nationalités s'y trouvaient déjà, dans des uniformes plus ou moins rutilants. Harry jugea que le sien faisait partie des plus fonctionnels, à défaut d'être particulièrement élégant. Les chuchotements et doigts pointés en sa direction firent savoir à Harry qu'il était connu de tous. Il s'y était attendu, mais cela ne rendait pas la situation plus agréable pour autant. Ils n'eurent aucune difficulté à comprendre ce que débita le commandant des chasseurs. La traduction de son discours défilait en plusieurs langues sur le mur derrière lui. Le sens était clair. Les chasseurs français maîtrisaient tous les aspects de la sécurité. Le périmètre était parfaitement contrôlé et leurs homologues étrangers n'étaient là que pour la parade. « Toujours aussi arrogants, ces Français !» commenta Janice d'une voix moqueuse. Harry ne comprenait pas les bougonnements autour de lui. Mais le ton laissait présager que c'était ce qui se disait également en bambara, bulgare, espagnol et autres dialectes. La locution terminée, on leur proposa une collation moins raffinée que celle auprès de laquelle ils avaient laissé leur ministre. Quand Janice se déplaça, il la suivit pour ne pas rester trop exposée à la curiosité de ses collègues. Elle se dirigea vers un chasseur, reconnaissable à son béret noir. « Bonjour Pierre, » salua-t-elle en français. L'autre la regarda interloquée, se demandant manifestement comment elle le connaissait. Au bout d'une bonne dizaine de secondes pendant lesquelles Janice se laissa dévisager en souriant, l'entendement éclaira les traits du français. « Janice ! » s'exclama-t-il en la serrant contre lui et il lui planta deux baisers sonores sur les joues. Il se mit à parler à toute allure dans sa langue, visiblement ravi de la retrouver. Elle leva les deux mains en riant, ne comprenant rien à ce qu'il disait. Son ami se calma et exprima, moitié en français, moitié en anglais, sa joie et sa surprise de la revoir après tant d'années. Elle lui répondit dans le même sabir et Harry se sentit rapidement de trop. Il repartit vers le buffet et passa l'heure suivante à sourire et saluer tous ceux qui venaient se présenter à lui. Plusieurs, dans un anglais plus ou moins bon, le félicitèrent pour son célèbre affrontement contre Voldemort. Le chef des chasseurs en personne vint l'entreprendre dans un anglais parfait. « Monsieur Potter, nous avons été très heureux de vous voir sur la liste de la délégation britannique. Le récit de vos exploits a traversé la Manche. »« Je suis ravi d'avoir été désigné pour venir, » répondit Harry. « Il est vrai que vous avez un intérêt particulier pour le Quidditch. Votre fiancé joue demain, n'est-ce pas ?»« Effectivement. » »« J'espère que nous nous rencontrerons en demi-finale. Les matchs France-Angleterre sont toujours passionnants. » »« Vous avez un jeu très créatif et Thierry Prévolant est un gardien remarquable. » répondit diplomatiquement Harry, répétant les propos que Fleur avait tenus au terrier le dimanche précédent. « Je vois que vous êtes un connaisseur. J'espère que vous êtes bien logé. Je sais que les chambres réservées aux chasseurs étrangers ne sont pas très spacieuses. J'en suis désolée. Mais nous ne pouvions étendre à l'infini la zone protégée de la curiosité des moldus. »« Nous sommes très bien installés, » affirma Harry. « J'ai trouvé vos panneaux indicateurs très pratiques. Nous sommes assurés de ne pas nous perdre. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, ne sortez en aucun cas des limites du camp. » Surtout le soir. Dans le noir, un plongeon est à craindre. Je ne manquerai pas de transmettre cette consigne à mon ministre. Harry trouva Janice rajeunie quand elle vint le rejoindre avec sa connaissance. Je te présente mon ami, Pierre Belléclair. C'est un duelliste, expliqua-t-elle. On s'est rencontrés dans des compétitions internationales à la fin des années 70. Il a continué plus longtemps que moi, et a intégré les chasseurs une fois sa carrière sportive terminée. Ça faisait près de 25 ans qu'on s'était perdu de vue. En serrant la main de l'ancien duelliste, Harry calcula que la dernière fois qu'ils s'étaient croisés, sa collègue était encore fiancée à Christopher McKinnon et non défigurée. Sans doute l'avait-il trouvé changée. « Mon partenaire, Harry Potter, » complétait-elle. « Content faire connaissance. » annonça l'ami de Janice avec un fort accent. Pour meubler la conversation, Harry indiqua à quel point il avait aimé la France lors de son séjour 3 ans auparavant et décrivit ce qu'il y avait visité. Ils retournèrent ensuite ensemble vers le chapiteau de réception où leurs compatriotes les attendaient. Janice et son ami reprirent une attitude plus professionnelle et les deux aurores anglais encadrèrent leur ministre pour la suite du programme. Ils furent installés par petits groupes sur des barques pour une visite des fameux canaux sillonnant le marais Poitevin. Les Britanniques avaient été répartis avec les Indiens, ce qui leur permit de discuter entre eux sans avoir besoin de traduction. Un guide français parlant leur langue souligna les aspects pittoresques des lieux qu'ils traversaient. Quand ils revinrent dans le pavillon de réception, une exposition de photos avait été mise en place. Elle retraçait tous les matchs qui s'étaient déroulés depuis le début de la compétition, mettant les joueurs à l'honneur. « Ce qui est bien, » chuchota Janice à l'oreille de Harry, « c'est que pour le moment, on est tous des vainqueurs et cela ne nous évoque que de bons souvenirs. » Le cognard qui fonçait vers Ginny, envoyé avec brutalité par un batteur polonais, n'évoqua rien de plaisant à Harry. Le magnifique but qu'elle marquait quelques images plus loin, par contre, ferait assurément sa fierté. Harry se demanda s'il n'y avait pas la possibilité d'en faire une copie. Il y eut ensuite le dîner que Harry jugea un peu lourd, mais délicieux. Puis, ce fut l'heure d'aller se coucher. Le chemin était éclairé par des boules lumineuses flottantes qui jalonnaient le parcours, menant le plus directement au chapiteau carré où se trouvait leur chambre. Le reste du camp était plongé dans l'obscurité. Harry et Janice échangèrent un regard. Tout était prévu pour canaliser les invités. « Tout le monde chez moi pour le debriefing !» indiqua Kingsley quand ils s'engouffrèrent dans le couloir qui leur était dévolu. La pièce attribuée à Kingsley était agréable et comportait même une fenêtre magique, montrant un ciel étoilé éclairé par une lune décroissante. Elle était meublée d'un lit à deux places, d'un bureau et de suffisamment de chaises pour qu'ils puissent tous s'installer confortablement. « Alors ?» demanda Shacklebot à ses aurores. « Les chasseurs n'ont manifestement pas envie de nous voir jouer les gros bras, » résuma Janice. « Cela dit, la configuration des lieux facilite la supervision des entrées. Tout le périmètre est couvert d'anti-moldus et anti-transplanage. La fabrication des porte-lois amenant ici a été soigneusement contrôlée et des guetteurs sont postés pour surveiller qu'aucun bateau n'accoste sans autorisation. Je ne pense pas que quiconque soit moins en sécurité dans cet endroit qu'au ministère ou sur le chemin de traverse. Compte tenu du fait que j'ai laissé mes ennemis en Angleterre, il y a des chances que je sois même davantage en sécurité, » plaisanta Kingsley. Les rencontres sportives se dérouleront sur une île à 3 kilomètres au nord-est d'ici, précisa Harry. Des embarcations seront mises à notre disposition pour nous y rendre. Jocelyn, demanda Shacklebolt à sa chef de département. J'ai pris des contacts avec mes homologues. Il est encore trop tôt pour parler de notre idée d'accueillir le prochain tournoi de Baveboule, à mon avis. Tu as raison. Commence par te faire des relations et montre que tu connais bien leur champion. Attendons quelques jours avant de faire des propositions. Hélène, des discussions intéressantes avec les autres interprètes? J'ai surtout utilisé cette soirée pour faire connaissance. Nos conversations ont été très convenues. C'est toujours comme ça le premier jour, commenta Kingsley. Et de ton côté, sans qui Janice? On m'observe. On se demande si j'ai autant l'intention de bouleverser la société sorcière anglaise que les journaux le prétendent. Aux questions qu'ils m'ont posées, je me rends compte qu'ils suivent ça d'encore plus près que je ne le croyais. Évitez d'évoquer en public notre nouvelle politique envers les créatures magiques. C'est un sujet sensible. Un Français dont je n'ai pas saisi la fonction exacte m'a demandé s'il était vrai que nous avions libéré tous les elfes de maison. Tous opinèrent pour marquer qu'ils prenaient note. « Et toi, Harry ?» questionna le ministre. « On m'a beaucoup parlé de toi. » « Ce n'est pas pire que de me promener sur le chemin de traverse, » relativisa le jeune homme. « Même s'il est un peu déconcertant de constater qu'on me connaît aussi en Asie et en Afrique. » « Mesure tes propos, » lui conseilla Shacklebolt. « Il y a beaucoup de journalistes ici. Donne le moins possible ton avis sur les questions politiques si tu ne veux pas faire les premières pages. »« D'accord. » »« Bien, si personne n'a rien à ajouter, je pense qu'il est temps de dormir. Nous sommes attendus demain pour le petit déjeuner à 8h. » Le premier repas de la journée était servi dans le pavillon de réception. Pour l'occasion, les longues tables de la veille avaient été remplacées par des petites tables rondes autour desquelles les membres des délégations pouvaient se regrouper. Harry et Janice profitèrent des viennoiseries françaises, mais leurs compatriotes prirent des aliments plus conformes au breakfast traditionnel anglais. « J'ai besoin d'une ou deux tasses de thé avant de faire des découvertes culinaires, » plaisanta Shacklebolt. « D'ailleurs, leurs saucisses sont très bonnes. » À 9h, ils furent embarqués sur des barques à fond plat qui les amenèrent sur l'île où avaient lieu les rencontres sportives. Les aurores furent placées au fond de la loge qui avait été attribuée au ministre sorcier. Cela leur permettait de suivre le match, mais aussi de contrôler ceux qui pénétraient dans l'espace où ils se trouvaient. « Nerveux ?» demanda Janice à Harry qui tendait le cou pour voir s'il n'apercevait pas Ginny. « Le Mali se défend bien, » remarqua Harry. « Ils ont littéralement écrasé les États-Unis la semaine dernière. » Les exhibitions qui précédaient la rencontre commençaient et ils reportèrent leur attention sur le terrain. La danse africaine à laquelle se livrèrent les mages maliens était de toute beauté et Shacklebolt exprima son admiration à son homologue. L'Angleterre avait demandé à ses éleveurs de chevaux ailés de préparer un spectacle équestre volant qui fut également très apprécié. Enfin, les joueurs entrèrent sur le terrain et Harry observa Ginny à travers ses multiplettes. Elle avait l'air concentrée et résolue. Le match commença très fort, avec de nombreux buts marqués dans les premières minutes. Puis, les joueurs prirent la mesure les uns des autres et s'organisèrent pour bloquer les actions adverses avec de plus en plus d'efficacité. Au bout de 3 heures de jeu, il devint évident que seul le vif pourrait les départager. Il était apparu plusieurs fois, mais les deux attrapeurs s'étaient mutuellement contrés et il avait disparu sans avoir été saisi. À 14 heures, des repas furent servis dans les gradins. Régulièrement, le spectacle faiblissait, car les joueurs s'économisaient, puis une action leur insufflait de l'énergie et ravivait l'attention du public. Vers 17 heures, la lassitude commença à gagner les deux équipes. De ses buts, Olivier Dubois tentait de ranimer la vaillance défaillante de ses coéquipiers. Depuis sa place, Harry ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il le connaissait assez pour en deviner les grandes lignes. Vers 20 heures, le vif apparut au niveau du sol, près des anneaux des Maliens. Harry le repéra et reporta son attention sur les attrapeurs. Celui de l'équipe d'Angleterre était à l'autre bout du stade. Il volait plus bas et aperçut la balle dorée avant son adversaire. Au lieu de foncer directement dessus et de risquer de se faire coiffer au poteau par son homologue, il opta pour une trajectoire circulaire qui le rapprochait de sa proie sans pointer dans sa direction. La ruse paya. Le Malien s'éloigna, cherchant vainement à repérer l'objet de sa convoitise. Ce ne fut que lorsque la petite boule fut équidistante de ses deux poursuivants que l'Anglais changea de direction et piqua dessus de toute la vitesse de son balai. Son adversaire comprit enfin et fonça à son tour. Le Malien était excellent et revint rapidement sur son retard. Un instant, les Britanniques crurent qu'ils allaient perdre. Mais le batteur anglais parvint à envoyer un cognard dans la direction de leur point de rencontre. La chance était de son côté, et ce fut le Malien qui fut heurté. L'attrapeur anglais en profita et cueillit le vif. Les partisans de l'Angleterre se mirent à hurler pendant que l'équipe victorieuse laissait exploser leur joie. Dans la tribune officielle, Kingsley, très sobre, complimentait son homologue pour le niveau atteint par le match. Le ministre français, quant à lui, réussit à féliciter les gagnants et les perdants en une seule phrase et sans vexer personne. Harry, quant à lui, fixait le visage extatique de Ginny.